Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Caprice de lecture où aujourd'hui je reçois une association qui a une vraie mission de lecture publique et de partage de la lecture parce qu'il s'agit de Lecturic qui se situe à Jarville. Et pour mieux nous en parler, j'accueille Marie. Bonjour Marie. Bonjour Sarah. Je suis très contente que vous ayez accepté cette invitation pour qu'on puisse parler de cette association Loi 1901. Alors, première question Marie, comment est née l'association Lecturic ? Alors, l'association Lecturic est née en 1982. D'accord. À la suite d'un cours qui était effectué à la faculté de lettres par Monsieur Philippe Lefebvre, axé sur la lecture jeunesse. D'accord. Et les étudiants donc étaient très intéressés. La lecture jeunesse n'était évidemment pas très connue encore à l'époque. Oui. Et ils ont voulu en faire profiter en quelque sorte les élèves des écoles primaires. Mm-hmm. Et ils ont donc monté ce qu'ils ont appelé les fêtes de la lecture, au cours desquelles les étudiants préparaient des façons ludiques d'aborder donc un nombre important de livres jeunesse. D'accord. Et les écoles venaient donc dans des lieux qui avaient, dans des grandes salles qui avaient été déterminées à l'avance. Et il y avait donc toute cette effervescence autour de la découverte de la lecture jeunesse et du plaisir donc de lire et de partager ces moments ensemble. D'accord. Alors justement... Donc ça, c'était l'effet de la lecture. C'est le point de départ de l'association. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est Nicole Granger, qui était professeure à la faculté de lettres à ce moment-là, qui a créé l'association. D'accord. Donc en travaillant avec Monsieur Lefebvre. D'accord. Alors, ensuite, oui. Alors, parce qu'en fait, c'était sur ma deuxième question, et j'allais dire oui. Qu'en fait, vous avez plusieurs activités de transmission de la lecture, donc au-delà de la lecture jeunesse, quand on va consulter un petit peu le site internet de l'association, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Parce que c'est vrai que derrière le terme de lecture publique, il peut y avoir beaucoup de choses, et vous, oui. À Lecturic, en fait, vous ne faites pas que de la lecture jeunesse. Il y a plein d'items. Donc voilà, si vous pouviez nous en donner quelques petits exemples pour les auditeurs, ce serait intéressant. Oui. Alors donc, à la suite de ces expériences très positives, un bus a été mis à la disposition de l'association qui a été arrangé, organisé de façon à ce qu'il devienne le bus chocolecture. D'accord. Dans lequel il y avait donc des livres, bien entendu, et ce bus stationnait dans des lieux, par exemple près des MJC, pendant toutes les vacances scolaires. Et les enfants venaient donc pour le plaisir de découvrir, de feuilleter, ou de lire ou de ne pas lire. Et ils pouvaient donc boire un chocolat chaud en hiver, d'où le nom Chocolecture, ouais. Ou une boisson fraîche en été. Ensuite, on a diversifié les animations. On a constitué ce qu'on appelle des valises de livres qui contiennent chacune une quarantaine, entre 30 et 40 ouvrages récemment parus. D'accord. Et qui sont mis à la disposition des écoles primaires, collèges et lycées. C'est ce qui s'appelle... Dès le mois de juin, sont prévenus. C'est les valises baladeuses qui sont citées sur le site internet. Ok. C'est ça. Ce sont les valises baladeuses donc, qui sont mises à la disposition des établissements scolaires intéressés. Nous établissons en fonction du nombre d'écoles, de collèges et de lycées, un calendrier. D'accord. Et ces valises que nous sommes d'ailleurs en train de finaliser là pour l'année scolaire donc 2022-2023, elles partent dans le premier établissement qui est noté sur le calendrier. D'accord. Et chaque établissement transmet ensuite la valise à l'établissement suivant. Ah super, il y a aussi... On est vraiment là dans le fait de ne pas de travailler la lecture, ouais. Ni de faire un travail pédagogique. C'est vraiment une irruption de livres. Alors, j'ai oublié de dire que donc, ces valises sont au nombre de 7, depuis le CP jusqu'au lycée professionnel. Et actuellement, il y a aussi une valise qui est dédiée à une classe PE2A, c'est-à-dire dans laquelle sont réunis des élèves primo-arrivants. D'accord. Et donc, dans ces livres, dans ces valises, vous trouverez aussi bien des bandes dessinées que de la poésie, des romans adaptés à l'âge. Tous les types de littérature, en fait. Tout à fait. It don't mean a thing if you ain't got that swing. It don't mean a thing, all you've got to do is sing. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you've got. It don't mean a thing if you ain't got that swing. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you've got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. If it ain't got that swing. Tout le talent de Duke Ellington et Ella Fitzgerald dans cette musique I Don't Mean a Thing. On retrouve tout de suite Sarah en compagnie de son invitée Marie de l'association Lecturique. Parce qu'on parle des différents concepts ou thèmes abordés chez Lecturique, si on souhaite devenir bénévole, comment ça se passe ? Eh bien, il suffit que vous preniez contact avec l'association. Vous avez, si vous allez sur le site, vous avez l'adresse mail et des numéros de téléphone, d'accord, déjà, entre autres. Okay. Et vous pouvez venir le mardi après-midi. Nous nous réunissons tous les mardis après-midi dans notre local qui se trouve 6 rue Jean-Philippe Rameau à Jarville, d'accord, dans le quartier de la Californie, à 14h30. Donc, vous pouvez faire connaissance déjà avec les membres bénévoles qui sont présents et décider ensuite si vous voulez participer à l'une ou l'autre activité, parce que nous en avons d'autres, c'est les fameuses lectures vagabondes et les distributions gratuites de livres. D'accord, ok. Alors, si on souhaite vous faire un don, est-ce qu'on appelle directement, est-ce qu'il y a une adresse mail, je suppose ? Oui. Il y a un numéro, oui, de téléphone. Si on souhaite, oui, faire un don, parce que c'est vrai que jeter des livres, malheureusement, c'est un peu, c'est contre-productif en plus, quand on voit, oui, le prix du livre en plus aujourd'hui, il y a des personnes, absolument, qui ne peuvent pas du tout accéder à la lecture parce que le livre est très cher. Oui. Si on souhaite faire un don, voilà, comment ça se passe ? Eh bien, donc, de la même manière, alors justement, vous parlez du livre cher. Effectivement, vous avez des personnes, aussi même des enfants d'ailleurs, de tous âges, j'allais dire, qui n'ont pas accès aux livres à cause du prix. Oui. C'est la raison pour laquelle nous faisons des distributions de livres qui nous sont donnés par, soit par des bibliothèques, oui, soit par des personnes qui veulent alléger leur bibliothèque, soit à la suite de décès. D'accord. Lorsque les personnes vident les maisons. Mais donc, il suffit, alors les personnes en général, quand nous distribuons des livres, nous demandent si nous en acceptons et nous donnons évidemment les coordonnées. Sinon, comme je vous disais, en allant sur le site, ou alors je vous donne l'adresse mail. D'accord, allez-y, là, tout oui. De suite. Donc, c'est association. D'accord, tout en minuscule. Hein. Tout en minuscule. D'accord. association.lecturique@laposte.net. Ok. Eh ben écoutez, et c'est je peux donner mon numéro de téléphone, puisqu'il figure sur tous les documents. Ok, allez-y. Donc, c'est mon numéro de portable, oui. 06 13 35 04 75. Ok. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly. In my hand, my heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever, out across the endless sea. I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Don't Know Why, c'était Nora Jones sur Fadjet et on retrouve tout de suite Sarah en compagnie de son invitée Marie de l'association Lecturique pour la dernière partie de l'émission. Après avoir parlé des différentes activités, de comment rejoindre Lecturique pour participer justement à cette mission de passage de livres et de lecture, je crois qu'il y a un temps fort qui va se dérouler là en décembre que vous souhaitiez faire partager aux auditeurs de Fadjet. Oui, tout à fait. Donc, comme je vous l'ai dit, l'association a été créée en 1982. Nous fêtons donc les 40 ans. Et ce sera le 16 décembre, donc cette année 2022. D'accord. Et nous souhaitons associer le public le plus large possible à cette fête que nous voyons, que nous souhaitons joyeuse et qui est évidemment dédiée au plaisir de lire. Parce que je ne l'ai peut-être pas encore mentionné, mais notre objectif, c'est vraiment de partager, de développer ou de susciter le plaisir de lire. Et donc, pour cette fête, nous sommes en train de, répertorié un certain nombre de lieux où nous pouvons lire nous-mêmes, donc d'accord. nous viendrions faire des lectures publiques. Mm-hmm. Les horaires ne sont pas fixés encore, mais quelques lieux sont déjà fixés. Le principal, ce sera le Cirque Michto, d'accord. Qui a justement recueilli notre dernier bus Chocolecture, donc le dernier bus qui était arrivé à la fin de sa vie. D'accord. Il est maintenant au Cirque Michto. Nous intervenons aussi à la librairie L'Abri du Temps, en vieille ville. Oui. Nous avons proposé de lire également dans les autres librairies, mais le 16 décembre correspond à des journées bien remplies, oui, juste avant les fêtes. C'est le jour des vacances scolaires en plus, je crois, le soir. Fêtes. Oui. Donc, pour les librairies, c'était difficile de mm-hmm. nous accueillir. Nous espérons lire dans un lieu qui sera mis à notre disposition par Emmanuel Tonnerieux, qui a la compagnie de théâtre Tiramisu. Oui. Donc ça, là, c'est encore à préciser. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Nous faisons aussi des lectures dans les lieux où nous intervenons déjà, tels que le centre parental. Donc ça, ce sont les fameuses lectures vagabondes. Disons donc dans différents lieux. Voilà. Et bien entendu, nous allons associer les partenaires avec lesquels nous travaillons déjà, donc les médiathèques, les différentes écoles qui reçoivent nos valises. D'accord. Et ces partenaires-là, en fait, décideront, s'ils le veulent ou non, de faire un petit temps de lecture dans leurs locaux. D'accord. En fonction de leur disponibilité. Est-ce que la programmation, voilà. on pourra retrouver la programmation sur le site internet ? Alors, nous sommes en train là justement de préciser les horaires de façon à ce que les gens sachent mmh. à quel moment auront lieu les lectures. D'accord. Et pour mardi prochain, je pense que ce sera fixé. Nous ferons aussi des flyers qui seront distribués en ville. D'accord. Et vous aurez à ce moment-là des précisions. Okay. d'horaire que je ne peux pas encore vous donner. D'accord. Eh bien, merci Marie pour toutes ces précisions. Je rappelle donc votre adresse internet www.lecturique.fr. Et si jamais vous ne deviez ne pas trouver, dans tous les cas, dans Google, quand on va taper Lecturique, on tombe directement sur le premier résultat qui est votre association. Merci Marie de nous avoir accordé du temps et de nous avoir tout bien expliqué sur cette très belle association qui a une vraie mission de service public et de lecture publique. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site www.fadjet.net. Encore merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir Sarah.